Et Faustin, tu savais qu'une femelle furée meurt si elle est en chaleur et qu'elle ne trouve pas de partenaire? Bah sinon le furet télécharge Tinder. Ça te dit pas d'être sérieux pour une fois? Bref, bienvenue dans Les Jeunes, ils en pensent quoi? Aujourd'hui nous accueillons Alizé, Léna et Clémentine qui vont vous donner des astuces pour réussir votre date Tinder dans la métropole lilloise. Que penses-tu de sortir sur Roubaix? Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de sortir sur Roubaix, mais je me dis que pourquoi pas, il faut découvrir. Ça change un peu d'être sorti sur l'île. Je pense que c'est complètement un peu mort, on va dire ça comme ça. Je connais pas trop les endroits et j'ai jamais évoqué des endroits qui pouvaient être intéressants. Je trouve qu'à Roubaix, il n'y a pas grand chose à faire. Pour moi, ça n'a pas trop une bonne réputation la nuit. Bah, c'est compliqué, il n'y a pas grand chose à y faire. Je connais pas trop, je suis en plus sur l'île. Il n'y a pas beaucoup de bars comparé à l'île. Panique à bord, tu viens de matcher sur Tinder? Trop tôt pour la rencontre entre ton match et tes parents, il faut bouger mais où? Pas possible d'aller au JB, c'est le repère de tous tes potes, ni au Rivoli car la veille tu lui as emmené un autre match Tinder. Aujourd'hui, on te propose l'itinéraire du match parfait. 18h20, vous êtes arrivé à rue Leneuve. Premier date avec ce match vers la bande d'amis. Montée de stress, palpitations, il est là. Finalement, il est plus châtain clair que blond, 1m70 environ et le petit style qu'il faut. Tu attends à la porte tout sourire. Heureusement, la pinte et le cocktail sont à 5€, alors tu te lâches. Après une partie de puissance 4, deux défaites et une victoire au jeu d'arcade et des débuts de danse, la faim se fait ressentir. Bamos. 20h22, vous êtes arrivé à rue Sébastopol. Pas envie de manger kebab au quick devant ton match, pas le budget pour l'emmener à la petite cour. Après avoir pris la première à droite au bout de la rue, tourner à gauche sur la rue du N, puis tourner à droite tout en menant une conversation endiabilée sur le nombre de pics moyens que possède un bébé hérisson. Tu arrives à la coopérative Le Baraka, un petit restaurant associatif où les légumes bio sont cultivés dans le jardin en face du restaurant. C'est mignon de rester assis à manger, mais au bout d'un moment, ça devient gênant de se regarder dans le blanc des yeux. Il est temps de bouger. 22h, vous êtes arrivé, avenue des Nations Unies. Envie de le faire rêver, de l'épater, tu emmènes ton match au bar live, café-concert où tu rencontreras peut-être le futur Paul McCartney. La bière à la main, les premiers rapprochements se font sentir sur un buff de jazz. Impossible de s'arrêter si tôt. Minuit 4. Vous êtes arrivé boulevard Gambetta. Tout le monde sait qu'il existe, tout le monde l'alimente, mais personne ne le dénonce. Sur la route, tu sors le slogan du bar Le Mercado Negro pour entretenir le mystère de ce lieu et impressionner ton match. Ça fonctionne. Assis côte à côte sur un canapé entre un vieux piano et une bande d'arcade, l'ambiance tamisée propice au rapprochement te pousse à lancer des petits regards. Le verre de vin à la main, tu te retiens de manger des chips, pas envie d'en avoir partout. Après avoir fait une partie de billard, c'est au coin du flipper que tu obtiens ton premier bisou. Vous êtes arrivé à destination. Je vous prépare un nouvel itinéraire pour votre match de demain.